par exemple au hasard de l'Union européenne. Le récap de la veille, réalisé comme à son habitude par la grande Jeanne, 7 S-E-2-T. Allez écouter son travail, c'est merveilleux. Voici. Bonjour, je m'y connais pas du tout en Gérard Grisé. Mais c'est une légende quand même. Ouais, c'est un peu Tristan Muraille, Gérard Grisé, tous ces gars-là, enfin ces personnes, tous ces gars, tous ces vieux gars. Récap. Intéressante. Articulée. Pas mal, non, pas mal. J'ai... Je le fais toujours pour ça. Mais il y a pas mal d'artistes qui font des sons. Et puis là, pour cette série, c'était Contrechamp qui m'avait contacté et puis demandé si on voulait pas faire un truc ensemble. Ah bon? Mais non, il n'y en a jamais assez. Si. Non. Si, je te promets. Ils sont sous la scène. Alors. Ah. Enfin, sous la scène, sous le public. Alors ? Ouais. C'est bon ? Est-ce que vous êtes prêts ? Il est tellement beau cet endroit. C'est bon ? Alors c'est bon. Ok, super. Allez, c'est parti. Bah toi, tu vas de l'autre côté, non ? En fait, toi aussi, tu peux dire aux gens que c'est... Et si, je sais pas, si c'est comme hier, il faut que certaines personnes font ça, puis qu'il y a deux personnes par... Mais Nadine, tu dois pas aller de l'autre côté, toi? Oui. So my name is Marcin Pietruszewski, and together with Lucas de Klerk, we played a set for Computer and Aulos, and the kind of most prominent effect of the concert is called autoacoustic emissions. These are special kind of sounds which mobilize your inner ear to vibrate. So the kind of sensation of something playing really close to your head or in your head is actually happening by playing two frequencies at particular ratio to each other. I can make your inner ear vibrate, and also changing these frequencies subtly, I can manipulate that sound to be closer to your head or in your head. And you know, it can be at times disturbing when you don't know what's happening. That's why we, you know, did a little bit of introduction before the concert, so everyone knew that it's nothing to be worried about. Okay, thanks. Yeah, but this tone is it's been used in composition since 1960s, 1970s. American composer Marian Amesher used these kind of tones in her compositions, but also they are, you know, kind of purely physiological reactions of your inner ear. Your inner ear vibrates and it can be measured. Actually, when babies are born and nurses check their hearing, they check it this way, that they put a little microphone and little loudspeaker into the ear canal. The loudspeaker plays tones, obviously not the kind of tones we were playing, but like a series of tones to make the inner ear respond, and the microphone records that response. So it's a known physiological phenomenon. On va finir avec le groupe Dispar qu'on a interviewé hier, qui ont joué hier. C'était magnifique. Toi, t'es le combien, Emma? T'es le micro combien? 3? Moi, c'est 3. Voilà. Et voilà, c'était le récap de Jeanne. Merci beaucoup pour ce deuxième récap. Et je te dis au revoir, Alexis.